je sombre dans l'oubli. Mon tendre amour est déchiré par de cycliques baisers. Nos rendez-vous sont coutumiers. Tu veux juste me baiser. Tu as voulu me recevoir. Je n'ai pas voulu te décevoir. Vois-tu, j'aimerais concevoir. Pour mes petites fesses, abuse-moi, oui, percevoir.